Ce podcast bénéficie du soutien de Non-Violence 21, Sortir de la violence et du Cénac. Il vit aussi grâce à vos dons, qui m'aident énormément. Merci et ne lâchons rien. Il vit enfin au travers d'ateliers et de conférences interactives dans lesquelles je présente mon approche globale, poétique et radicale de la non-violence. Contactez-moi si vous êtes intéressé sur le site force-nonviolence.fr. J'ai la joie aussi de vous annoncer la création d'un parcours en ligne pour approfondir la non-violence, INOVA. Cette formation proposée par l'association Management Humain Durable est l'occasion de s'approprier un outil précieux évoqué plusieurs fois dans ce podcast, la roue du changement de regard. Les liens pour me soutenir et pour découvrir cette initiative sont dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute! C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. AIMSA. Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. Article 1er. La Terre est un être vivant, une communauté unique, indivisible et autorégulée d'êtres intimement liés entre eux qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres. Article 2. La Terre-Mère et tous les êtres qui la composent possèdent le droit de vivre et d'exister, le droit au respect, le droit à la régénération, le droit de conserver leur identité et leur intégrité comme êtres distincts, autorégulés et intimement liés entre eux, le droit à l'eau comme source de vie, le droit à l'air pur. Article 3. Tout être humain se doit de respecter la Terre-Mère et de vivre en harmonie avec elle. J'aimerais vous lire l'entièreté de cette déclaration tant elle est poétique et utopique. Mais je vous invite plutôt à lire l'œuvre de Jonathan Attias, La désobéissance fertile, dans laquelle il détaille ces lois qui devraient devenir immuables au même titre que le bien connu « Tu ne tueras point », et en quoi ces lois qui défendent la préservation de la terre ont transformé sa vie du tout au tout, lui qui, venant de la ville, est désormais un fervent défenseur de l'habitat léger et de la régénération de nos écosystèmes. Cette régénération, il la nomme « aggradation », un néologisme qui nous invite à créer des imaginaires optimistes, malgré et à cause de l'urgence de changer de système, urgence qu'il appelle à lutter et à désobéir sur plusieurs fronts. Jonathan Attias vit avec sa compagne Caroline et leurs deux filles au Croissant Fertile en Dordogne, terrain de recherche et de développement de systèmes de régénération de la biodiversité, ainsi que d'habitats réversibles, écologiques et accessibles. Jonathan Attias, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Waouh, la non-violence, pour moi, c'est avant tout une posture qu'on assoit, c'est-à-dire de voir à partir de quel prisme l'on agit, quelle que soit l'action qu'on va entreprendre d'ailleurs. C'est-à-dire que neutraliser un engin qui va détruire un écosystème, c'est une forme de non-violence pour moi finalement. Mais tout dépend de la posture que l'on a. C'est pas une haine, mais c'est vraiment aller le faire par amour. C'est un mot peut-être absolu, mais en tout cas... dans la justesse de sa conscience intime, on ne fait pas ça contre, mais on fait ça pour préserver. Moi, la non-violence, je l'attribue vraiment à la paix. C'est-à-dire que la paix, elle n'est jamais acquise. La paix, c'est un chemin que l'on va parcourir d'abord avec soi-même, avant d'aller le chercher avec les autres. Je ne peux pas cheminer en paix si l'injustice est présente. Et il est difficile d'ailleurs de concevoir qu'on puisse s'épanouir dans un environnement, dans un climat où la justice n'est elle-même pas présente. Oui, puis dans votre histoire, j'ai l'impression que c'est ça qui vous a mis en mouvement, parce que c'était l'injustice que vivait François avec ses cabanes qui étaient menacées, qui vous a en fait appelé à agir avec lui, à vous installer avec lui, etc. Oui. Avant François même, il y a une autre injustice qui était celle de l'accaparement des semences paysannes, qui était complètement irrationnelle pour moi parce que je vivais à Paris et je n'avais aucun affect avec le monde paysan, qui m'a fait littéralement péter un plomb et qui m'a amené à me détourner de mon activité jusqu'alors qui était celle d'un documentariste traditionnel pour aller vers un monde militant jusqu'à un changement de loi permettant aux agriculteurs, qui a un droit en fait somme toute légitime, de pouvoir utiliser des semences paysannes. Moi, pour rétro-pédaler un peu, donc je suis un fils de République, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père qui est avocat, il y a vraiment ce truc où on érige l'État comme une mère protectrice religieuse. Et quand j'ai compris que lorsque moi-même je voulais travailler à changer les lobbies industriels étaient surpuissants et que finalement on avait beaucoup moins de leviers d'action que ce que je m'étais figuré jusqu'alors, j'ai décidé d'aller voir ceux qui allaient faire le pas de côté pour vivre autrement, qui allaient réinventer la société en dehors du cadre et des normes établies. Et en voyant cet homme, François, qui vivait on ne peut plus respectueusement parce que des cabanes faites de matériaux naturels sur son terrain ou de récupération d'une pépinière en amont de ses déchets pour composer l'imperméabilité, que cet homme-là, on le délégitimait, on lui empêchait de vivre comme ça et on veut le déloger, il y a une rage en fait qui monte à ce moment-là. Peut-être une rage saine aussi quand on va questionner la violence et la non-violence qui nous fait dire là, c'est pas possible, on peut plus laisser passer. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode des cabanes, comment vous êtes installé, comment vous avez eu ce culot? Parce que venant d'où vous venez, c'est assez incroyable votre revirement, on peut dire. En fait, je pense que notre chemin à Caroline et moi, il s'est fait d'abord en Amérique latine, à travers des voyages. En 2014, on a découvert une autre façon de vivre. J'ai noué une relation affective avec le vivant, je dirais, que je ne soupçonnais pas pouvoir tisser à ce moment-là. Et donc, en 2018, lorsque, après 3 années à militer ardemment pour changer les lois à l'Assemblée en France, je me retrouve en dépression parce que, voilà, inopérant, inefficace face à tout ce rouleau compresseur qu'il y a derrière en termes de lobbying économique, on décide effectivement de partir et en découvrant finalement qu'il y a une autre façon de vivre, on se dit, bah voilà, il y a cette phrase de Gandhi qu'on a tous en tête d'incarner ce changement qu'on souhaite voir pour le monde, parce que c'est vrai que jusqu'alors on pouvait trier nos déchets, on pouvait prendre le vélo, faire tout ce qu'on voulait, on était parfaitement inaudible du fait de notre mode de vie quotidien. Mais dès l'instant où on pouvait essayer nous-mêmes faire partie d'une forme de solution qui est celle de la gradation que François nous a enseignée, là, on n'a même plus besoin de parler, en fait. Notre simple façon de vivre, notre simple façon de communier avec l'espace, elle va donner, finalement, le rapport qu'on va entretenir au monde. Et si on défend aujourd'hui aussi ardemment la question qui est celle de l'habitat léger avec Caro et avec la désobéissance fertile, c'est parce que l'habitat léger, c'est comme le premier vêtement qu'on va porter, qui va dire aux personnes autour de nous, voilà quel est le rapport que j'entretiens avec la Terre, voilà le rapport que j'entretiens avec ce qui va m'entourer. Et c'est une porte d'entrée vers l'émerveillement, c'est une porte d'entrée vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui est dur, parce que l'adaptation, quand on vient d'un milieu urbain à un milieu plus que rural, qui est un milieu sauvage. Quasi sauvage, voilà, il y a énormément d'inconfort, d'autant plus que nous, on l'a fait avec nos enfants en bas âge, donc ça nous a dévoré en matière d'énergie. On pensait qu'on arriverait à se ressourcer, mais on s'est retrouvé à se taper un burn-out en forêt quand même. Donc, il y a quand même un endroit où ça devenait un peu paradoxal. Moi, clairement, le premier hiver, quand on est parti en forêt, j'ai eu une espèce de FOMO, de passer à côté de la vie. C'est une expression américaine qui veut dire « fear of missing out ». Ça veut dire que quelque chose se passe et que moi, je suis en dehors de cette ambiance et donc je loupe tout. Et donc, je partais en déprime tous les soirs. J'étais insupportable d'ailleurs à ce moment-là parce que j'avais l'impression que j'étais à côté de tout ça. Et c'est quoi qui vous donnait cette impression? C'était l'impression que vous étiez devenu un ermite et que vous étiez en train de vous extraire de la société, ou c'était l'impression que c'était trop lourd à porter ce que vous aviez entrepris? C'était l'impression, en fait, que fondamentalement, ma démarche était celle de changer la société, mais en m'extrayant de cette façon-là, j'étais inaudible, j'étais complètement en dehors de tout enjeu, de tout combat, de toute forme de lutte. Moi, en ville, je vis par la stimulation, j'adore l'intensité. Et là, il n'y en avait aucune qui m'était proposée. Donc j'étais seul face à moi-même et j'ai vu en fait que j'étais incapable d'être en paix seul face à moi-même. Et donc il m'a fallu cette déprime du silence sidéral, du silence absolu qu'est l'endroit où il n'y a rien autour de nous, pour ensuite accepter et éprouver même une forme de joie à vivre cela les années suivantes. Et aujourd'hui, pour tout dire, l'hiver, c'est ma saison préférée. Parce que c'est la saison où je ne vois plus personne. Je me suis fait 6 mois à vivre en festival, en conférence, en chantier et à interagir et tout. Et là, j'ai juste envie de fermer ma gueule pour parler un peu vulgairement et d'être au calme, dans mon foyer, dans mon cocon, être proche du feu. Et la conclusion à laquelle je parviens après 6 ans de cette vie, c'est que le plus dur n'est pas tant de vivre dans la nature que de vivre avec ses semblables. C'est vraiment l'expérience que l'on a qui est douloureuse, même dans le territoire où l'on vit, alors même qu'on partage des sensibilités avec bon nombre de gens. C'est comment on arrive à faire ensemble, comment on arrive à dépasser nos blessures, comment on arrive à composer avec ce fameux PFH dont parlait tant Patrick Vivray, ce putain de facteur humain, pour le rendre finalement précieux. Ça, c'est un défi à la hauteur de notre siècle, je dirais. Alors, finalement, vous ne m'avez pas trop raconté l'épisode des cabanes. Oui, pardon, je suis complètement passé à côté de l'épisode des cabanes. Non, mais c'était... Parce qu'il est hyper intéressant, l'épisode des cabanes. Oui, allez-y. Okay. Donc, les cabanes, on arrive à un moment où on est en octobre 2018 et 3 mois avant, il y a le maire qui constate qu'il y a 10 cabanes qui sont construites et donc qui demande à François de les régulariser. À ce moment-là, nous, on suivait quelqu'un qui était en procédure administrative avec sa commune parce qu'on lui avait demandé de remplir un dossier de mise en conformité de son habitat léger. Ça lui a été refusé. Il est parti en justice derrière. Donc, quand on voit François, on lui dit... ne remplit surtout pas ce document. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de travailler à l'intégration dans le territoire de, finalement, ta culture, de ce que tu vas apporter. Donc, on va monter une association au service du territoire qu'on va présenter à la mairie, sachant que le maire, à ce moment-là, enfin, même aujourd'hui d'ailleurs, n'avait qu'une obsession en tête, c'était déloger François. Et donc, quand on a compris qu'on avait ni la loi, parce que effectivement la loi aujourd'hui elle est faite de telle manière à ce que même s'il y a un cadre légal d'installation, eh bien on donne des pouvoirs de répression au maire plus facilement que d'autorisation, alors même que on n'a pas de moyens économiques, on s'est dit que à un moment où l'image est prépondérante, on va utiliser le média pour montrer en fait l'absurdité qui est celle de la répression faite de ce maire contre François, et surtout d'exprimer que même si la loi est contre nous, il n'est pas question qu'on bouge d'un centimètre. Parce que la honte, ce n'est pas à nous de la voir qui vivons de cette façon-là. La honte, elle vient de celles ou de ceux qui vont aller bétonner, qui vont aller construire des maisons phénix et surtout qui vont aller persécuter les gens qui entreprennent ces changements de vie, soit parce que c'est une nécessité, parce qu'on parle de logement subi, soit parce que c'est un choix au regard des défis que nous avons à affronter. Et donc, pendant 2-3 ans, on a montré cette façon-là de vivre, on a montré la cohérence dans laquelle on essayait de s'inscrire, et surtout la persécution qui était la nôtre. Et donc, au bout de 3 ans, alors qu'on était en procédure judiciaire, le préfet abandonne les poursuites parce qu'il y avait une telle pression populaire qui s'exerçait à travers la médiatisation qu'il ne voulait surtout pas qu'une ZAD intervienne sur le lieu. Mmh. Nous, à ce moment-là, on part des cabanes parce qu'on voulait monter notre propre aventure avec la désobéissance fertile. Et il y a quelques mois de cela, un nouveau préfet arrive en Corrèze, il lance une charte anti-cabanisation et il relance la bataille contre les cabanes. Donc à ce moment-là, la justice est saisie, ça va très vite, le procureur prend l'affaire et va assigner François en justice en laissant qu'un mois pour se préparer, délai hyper court, pour qu'il ne puisse pas y avoir de médiatisation qui soit faite, pour ne pas qu'il puisse y avoir tout un engouement populaire qui se remette en place de nouveau. Nous, à ce moment-là, on a un avocat dans l'association qui est formidable, qui s'appelle Paul Jouty, qui a dit « Non, regardez, on va prendre le dossier. Il y a beaucoup de failles dans le dossier en face. Il y a moyen de gagner. On ne va pas médiatiser. On va laisser la présidente du tribunal statuer tranquillement. Et si on perd en première instance, là, en appel, on pourra mobiliser à ce moment-là. » Et il s'avère qu'on a gagné. On a gagné en juillet 2024. Le tribunal a rendu sa décision de justice où il relaxe complètement les cabanes parce que la preuve n'a jamais été apportée de la part de la mairie. Vous savez, en France, il y a un délai de prescription qui dit que si au bout de 6 ans pour le pénal et 10 ans pour l'administratif, si on est installé depuis plus de temps que cela, eh ben on considère que l'installation fait partie du paysage. Et donc, en plaidant cela, les cabanes aujourd'hui sont toutes préservées. François peut y vivre et la mairie n'a jamais fait appel de cette décision. Voilà, ça a été pour nous une victoire très importante en faveur de changements aussi petits soient-ils, parce que là, on parle juste de quelques cabanes, mais qui donnent quand même beaucoup d'espoir. Donc là, c'est quand même une victoire de la désobéissance fertile. C'est une victoire de la désobéissance fertile. Alors j'aimerais bien qu'on en vienne à cette expression que vous avez inventée. Comment vous l'inscrivez en relation avec la désobéissance civile ? Est-ce que c'est pour dire que la désobéissance civile serait peut-être infertile parfois ou pas du tout ? C'est-à-dire que pour moi, c'est assez contextuel ce qui se vit aujourd'hui au travers de ces deux termes, finalement très proches, parce qu'évidemment, la désobéissance fertile, elle est la petite sœur de la désobéissance civile. Et toute cette réflexion et cette posture-là, elle part de figures fondatrices telles que Thoreau, telles que Gandhi et Rosa Parks et d'autres. Si elle a émergé pour nous, c'est un moment de l'histoire où on a vu apparaître des mouvements comme Extinction Rebellion, des mouvements de désobéissance civile, qui se sont positionnés en reproduisant la codification qui était celle de la lutte des droits civiques afro-américaines dans les années 60, en s'asseyant, s'enchaînant et ne bougeant plus pour exprimer une injustice. La désobéissance civile, fondamentalement, c'est une posture de désobéissance pour signifier une injustice en vue que la loi puisse évoluer. Mmh. Moi, ce que j'avais pu constater en termes de failles, parce que j'enseigne les rapports de force politique à l'université, donc je vais aller gratter, souvent c'est ce qui m'intéresse, de voir quel est l'endroit où on avance et celui où on échoue. Je m'aperçois qu'on ne peut plus reproduire, en fait, d'une part, la même codification en termes de militantisme qui a été celle des années 60-70, aujourd'hui en 2020, parce que le propre d'une action dans sa réussite, c'est sa créativité, c'est de surprendre l'autre. Typiquement, dans la façon de faire, dans la façon d'agir, l'État sait pertinemment bien comment disperser une manifestation. Et puis surtout, il n'y a plus aucun impact, même médiatique, auprès de la société quand on voit des gens se mettre dans une posture comme celle-ci. Ça, c'est un aspect. L'autre étant que la désobéissance civile, on est bien d'accord, cherche à faire changer la loi au sein d'un système. Moi, aujourd'hui, et je dis moi parce que c'est moi qui suis interviewé, mais au nom aussi de ce mouvement de la désobéissance fertile, on constate que c'est le système dans sa chair la plus profonde qui aujourd'hui doit être réformé. Ce n'est pas une loi au sein de ce système. Quand au 19e siècle, Thoreau luttait contre l'esclavagisme et la guerre au Mexique, c'était deux incohérences qu'il constatait au sein de son système. Nous, aujourd'hui, au 21e siècle, quand on lit les rapports Meadows, les rapports du GIEC et ainsi de suite, on se rend compte que c'est l'entièreté du système en fait, qui est défaillante. Alors, je tempère ce que je dis parce qu'on essaye aussi de changer les lois de l'intérieur. Pour moi, il n'y a pas une façon de faire. Elles sont multiples et on va aller mettre l'énergie là où ça nous semble être le plus pertinent. C'est juste que moi, j'ai perçu à un moment de ma vie et suite à mon parcours personnel que ce qui résonnait plus, c'était ce pas de côté envers la société plutôt que de vouloir continuer de l'intérieur à la changer. Caroline m'a longtemps enseigné cela. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne connaît pas son cap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on lutte, on voit qu'il y a tellement de lois antisociales qui sont votées, tellement de restrictions de liberté qui sont admises au sein de la société, qu'en fait, on est là à nous battre pour conserver les quelques acquis que nous avons pu avoir par le passé. Et on est en totale incapacité à formuler une proposition de société à laquelle on aspirerait finalement. Et d'ailleurs, si on va questionner nos imaginaires, aujourd'hui, on a un nombre incalculable d'imaginaires dystopiques dans lesquels on se projette, en remerciant bien sûr les studios hollywoodiens et tous ceux qui vont se projeter dans ces narratifs-là. Mais on a très peu de films qui vont nous raconter une histoire de notre humanité au sein de laquelle on se projetterait dans quelque chose qui soit joyeux, dans lequel l'avenir soit de nouveau une promesse plutôt qu'une menace. Et nous, ce projet de société-là que l'on porte, c'est qu'on puisse changer la Constitution. La Constitution, celle qui va nous permettre de mettre en place un socle de valeurs communes à partir duquel on va pouvoir établir des lois, qu'on change cette Constitution pour qu'elle intègre des droits pour la terre-mère. Alors, vous dites que vous êtes un enfant de la République. Donc, est-ce que quelque part, vous maintenez dans ce paradigme quand même d'une République, même si c'est une République qui prendra en compte les lois de la terre? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une visée d'une anarchie dans le sens où il n'y aurait pas d'autorité supérieure, mais pas forcément dans le sens commun qu'on entend de il n'y a aucune loi. Hein. Tout à fait. Comment vous vous situez là-dedans ? J'appartiens complètement à l'école anarchique. Mmh. En fait, pour moi, ça en dit long sur la posture qu'on se représente des êtres humains. Moi, j'ai une confiance absolue, alors même que je peux être blessé parfois par les comportements qui vont surgir à mon encontre ou à l'encontre d'autres gens. J'ai une confiance absolue dans l'intelligence collective. Je pense que en asseyant des gens autour d'une table pour établir des règles de vie ensemble qui vont déterminer par eux-mêmes, parce qu'ils vont en bénéficier eux-mêmes, de là sortira toujours un bien commun, un intérêt général qui dépassera la somme des intérêts individuels. Et si la République a été force d'évolution après les régimes royalistes qu'on a connus. Aujourd'hui, par contre, c'est une involution. Et donc, il faut pouvoir responsabiliser les gens pour qu'ils puissent s'organiser. Et moi, je suis un fervent défenseur de systèmes tels que le municipalisme libertaire, qui avait été théorisé par un homme, Murray Bookchin, dans les années 70-80. Je suis profondément admiratif de ce qui peut se vivre en Syrie, enfin, d'une région proche de la Syrie qui s'appelle le Rojava, dans lequel se vit ce qu'on nomme un confédéralisme démocratique, c'est-à-dire qu'on attribue des pouvoirs à la population elle-même, très localement, et qu'on fasse remonter les décisions prises à travers des représentants qui soient l'inverse de nos représentants ou de nos députés actuels, c'est-à-dire qu'ils aient un mandat qui soit impératif. Il est impératif qu'ils représentent la population lorsqu'ils sont mandatés, chose qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, le mandat en France n'est pas impératif. Là, on a en plus une élection qui est la plus importante à mes yeux, qui est l'élection municipale en 2026, où de plus en plus de listes de citoyens, de listes participatives se constituent depuis une dizaine d'années maintenant. Et je rêve que non seulement ces listes gagnent massivement, mais qu'en plus de cela, elles désobéissent par rapport aux injonctions d'État et qui disent à la place qu'ils vont donner la parole à la population elle-même pour qu'elle établisse ses propres règles de vie et gère les ressources sans qu'il puisse y avoir d'État ou de préfet qui leur disent quoi faire ou quoi penser. Moi, j'ai été marqué par un exemple en 2019 dont vous vous souvenez peut-être. C'est un maire qui a pris un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides dans sa commune à moins de 150 mètres. Et en fait, le préfet l'a attaqué en justice pour invalider cette décision-là, alors même que c'était une décision qui venait de sa propre population. Donc il perd le procès parce qu'évidemment la justice donne raison à l'État, c'est à l'État de choisir apparemment pour la santé de ses citoyens. Et lui ne s'est pas mis en désobéissance. Alors il a ses raisons, moi je l'ai interviewé il y a quelques mois, donc il m'explique très justement ses raisons. Mais il n'empêche que s'il avait désobéi, il aurait montré qu'il était l'élu de sa population et non pas l'élu de l'État. Parce qu'à travers le terme élu, il y a deux significations potentielles. L'élu, c'est soit celui qui est supérieur, donc c'est la figure providentielle, telle qu'on se l'imagine aujourd'hui à travers l'élection présidentielle ou autre, ou soit l'élu, c'est simplement le représentant d'un nombre de personnes. Et en se conformant à la décision de justice, à ce moment-là, ce maire, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie, et je trouve que c'est un homme à côté aussi assez admirable, s'est fait le représentant de l'État et non le représentant de son peuple. Et je rêve qu'un jour, il puisse y avoir, dans un conflit qui ressurgira, un représentant qui se fasse le représentant de la voix populaire avant de se faire le représentant de l'État. Oui, merci d'en parler parce que j'ai écouté du coup ce podcast que vous avez lancé, les Politosophes, oui. Donc où vous analysez les mobilisations citoyennes, donc avec ce maire. Et justement, vous dites dedans, et d'ailleurs c'est aussi écrit dans votre livre « La désobéissance fertile », parce que là finalement c'est un exemple d'échec malgré tout, puisqu'il oui. a fini par se soumettre. Et vous dites « c'est en se plantant qu'on devient cultivé ». Qui est un proverbe donc yiddish que je ne connaissais pas. Et je voulais savoir, vu qu'on a évoqué la victoire là, des cabanes, quelle est la place de l'échec, vous, dans votre parcours? Et s'il y a des échecs qui ont été vraiment instructifs quoi, pour vous? Oui. Dans une culture qui est la culture de la réussite compétitive dans laquelle j'ai pu être éduqué avec beaucoup de tendresse et d'amour, c'est difficile, en fait, l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, ça l'est toujours. Par contre, j'éprouve une grande curiosité à l'égard de ceux qui échouent, et d'abord envers moi-même d'ailleurs. Et donc ça m'amène à avoir beaucoup d'indulgence parce que je m'aperçois que j'apprends beaucoup plus quand je rate quelque chose que quand je réussis. Finalement, quand je réussis, ça me dit juste reproduis, fais la même chose, ça va marcher. Alors que quand je rate, ça implique une profonde remise en question. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse aujourd'hui partager nos échecs respectifs. Et moi, j'ai eu un très gros échec là où je vis l'année passée. Je travaillais à établir avec un groupe d'habitants dans ma commune, donc, une charte pour mettre en place tout un tas de règles de vie en société pour faire en sorte que si l'un des habitants, donc en habitat léger, nous on vit tous en habitat léger, respecte ces règles-là, si on se donne ce cadre que nous nous fixons nous-mêmes et que nous le respectons, on s'engage les uns et les autres à nous rendre solidaires. Un peu comme les mousquetaires le feraient, hein, pour tous et tous point. Et donc on a travaillé à travers des réunions respectives à établir ces règles, à les peaufiner, à échanger là-dessus. Et au moment où il a fallu les adopter, le groupe a explosé. Et moi, ça a été dramatique pour moi parce que je sais que ma blessure, c'est la blessure de la trahison. Et je me suis senti trahi. Et en allant chercher plus loin que ça, j'ai compris quelque chose de fondamental que j'avais mis de côté, que j'avais complètement loupé en allant au fond de ce processus. C'est que je n'avais pas contribué à créer un sentiment d'appartenance. J'avais tout de suite voulu qu'on fasse corps à travers des règles de vie communes et collectives. Mais en fait, il n'y avait rien qui nous rassemblait. Il y en a un, lui, qui est survivaliste, un qui croit en la fraude du non légal, un qui est légaliste, et ainsi de suite. Et en fait, rien ne faisait qu'on avait envie de nous contraindre à être dans cette posture de mousquetaire, là où en fait, l'autre, c'est pas du tout un membre de notre tribu. Vous aviez quand même l'habitat léger comme... Voilà, comme c'était, on avait l'habitat léger comme dénominateur commun, mais cette charte, elle était purement pragmatique. Pour les gens qui étaient présents. Il n'y avait aucun aspect affectif, il n'y avait rien qui nous reliait par-delà cet habitat léger. Alors peut-être que ça peut suffire dans certaines situations, mais là ça ne suffisait pas. Je pense que si on avait composé cette charte à un moment où effectivement on était inquiété, on ne l'est pas inquiété aujourd'hui hein, clairement, mais si on avait été inquiété, ça nous aurait soudés, ça aurait créé une appartenance, ça aurait créé un ennemi commun, une espèce de bouc émissaire et ainsi de suite, on aurait joué cette fable-là. S'il n'y a rien qui nous contraint, eh ben, on ne va pas composer ensemble. Et ça, vous diriez que c'est dû à notre culture occidentale parce que, quelque part, vous, dans votre parcours, vous êtes parti en service. C'est vraiment pour l'amour, on va dire, de la Terre et vouloir préserver, finalement, je dirais même notre espèce, que vous avez entrepris un peu cette croisade. Cet individualisme, il reste quand même parce qu'il est ancré dans notre culture ? Oui. C'est pas un individualisme par choix, c'est un individualisme subi pour moi. Et là où les sociétés religieuses, avec tous les défauts et les travers qu'on leur connaît, évidemment, on pourrait les lister, on pourrait y passer du temps, avait quelque chose de vertueux, c'est qu'en fait, on agissait, même si c'était par intérêt, mais c'était pour un intérêt qui allait bien au-delà, en fait, du simple moment présent. Ça pouvait être l'envie d'aller au paradis, ou ainsi de suite, mais en tout cas, on allait agir pour quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, on a complètement perdu ça, en fait, en Occident. Et cette rupture avec le spirituel entraîne effectivement une solitude individuelle. Ajoutons à cela, en plus, les réseaux qui nous enferment dans nos écrans et ainsi de suite. On est tous fragmentés un peu les uns les autres et on est en grande détresse relationnelle aujourd'hui. Quelque part, donc, il y a aggrader la nature, mais est-ce qu'on peut aggrader nos relations ? Est-ce qu'on peut bonifier ces relations ? Je ne sais pas comment on peut dire. Parfaitement. Ouais. C'est drôle parce que c'est Evelyne Adam qui a fondé les Carters qui parle d'impact bonifiant aussi. Donc, elle s'inscrit vraiment dans une démarche semblable à celle qu'on a connue avec François et qu'on démocratise à travers la gradation. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de terme qui permettait d'exprimer le fait qu'on puisse avoir une empreinte vertueuse en tant qu'humain. C'est drôle quand même de ne pas avoir ce mot dans notre champ lexical, ça en dit long quand même sur nos postures, les postures qu'on adopte. On parle aisément de dégrader, on va mesurer le spectre de nos existences en limitant l'impact que l'on va avoir, le fameux impact carbone, mais jamais on s'imagine qu'on peut avoir un impact bonifiant, jamais on s'imagine qu'on peut avoir une aggradation, un impact vertueux sur notre écosystème. Je dirais même qu'on a l'impression toujours qu'on est les contributeurs principaux de destruction. Et enfin, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on se suicide. En fait, on est simplement une erreur de la nature ou je ne sais quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais comment on peut avoir de l'amour pour son espèce quand on ne peut pas imaginer qu'elle puisse être au service à son tour, qu'elle puisse être bénéfique, elle aussi. C'est impossible. Et donc, ce terme aggradé, il dit cela. Il dit que oui, on peut être les gardiens d'un territoire. Oui, lorsqu'on arrive au sein d'un écosystème, on peut travailler avec lui, on peut cheminer avec lui et on peut faire en sorte d'accélérer finalement son développement pour son épanouissement. Non pas qu'il ne se développerait pas sans nous, c'est pas ce que je dis. Évidemment qu'on n'a pas besoin de l'humain aujourd'hui pour que la Terre puisse se réguler. C'est une certitude, ce n'est pas non plus cette croyance que je veux donner, mais qu'en arrivant dans un écosystème, en voyant une forêt, on peut aussi aggrader. Et si aujourd'hui on dénombre autant d'espèces, des écosystèmes aussi riches en Amazonie, c'est parce qu'il y a eu l'empreinte de l'humain qui est passé par là quand même. Et alors comment on pourrait aggrader nos relations ? Eh bien on pourrait aggrader nos relations déjà en allant regarder un peu à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, et moi je suis bien placé pour en parler, je suis toujours à regarder, à vouloir changer de système, à vouloir faire la révolution, à m'inscrire dans des luttes, à juste titre, parce que je vois que chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche le plus d'un chaos potentiel ou d'un effondrement. Donc il y a une espèce d'urgence à agir névrotique un peu dans laquelle je m'inscris. Et en fait, tout ce travail que j'effectue vers l'extérieur, c'est un travail que j'effectue jamais à l'intérieur. Et c'est comme si finalement, c'était une excuse que je me donnais d'aller me submerger de projets, parce que alors moi, ma passion, c'est de me crouler sous les projets. Voilà. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je suis complètement dépassé par ça. Et donc voilà, aujourd'hui, je m'astreins grâce à Caro, qui me dit « Jojo, là, tu es en train de te fourvoyer là. Tu crois que tu vas changer les choses, mais tu as vu comment tu cries sur tes enfants ? T'as vu comment tu te comportes avec les autres ? Tu crois que c'est ça le monde que tu vas pouvoir mettre en place, même si tu mets ton municipalisme libertaire ? Et elle a raison, en fait. Et donc, y a quelque chose où on ne peut pas faire l'économie de ce travail sur soi-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu deux mondes qui s'affrontent. Nous, on est un peu à la croisée de ces deux mondes, c'est drôle, qui est celui du soin relationnel, qui est du soin de soi, celui qu'on appelle le développement personnel un peu vulgairement. Et de l'autre, le monde de la lutte, le monde de la ZAD, le monde voilà, qu'on connaît aujourd'hui à travers les soulèvements de la Terre et tout ça, où en fait, ces deux mondes-là ne communiquent absolument pas, voire même se méprisent. D'ailleurs. Alors qu'en fait, ils ont besoin l'un de l'autre. On ne peut fondamentalement pas aller en lutte et se cramer et après partir en dépression, tout comme on ne peut pas simplement prendre soin de soi et se dire que bah, c'est en m'étant changé moi-même que je vais changer le monde, comme le suggéraient les colibris avec les petits éco-gestes. Non, il faut aller bien au-delà, en fait. Ce développement personnel, il doit être au service du collectif et la lutte, elle doit prendre soin aussi. Et donc, de là émerger un nouveau terme que je vous dis parce qu'il va être l'objet d'un prochain livre qu'on va écrire avec Caroline, c'est la lutopie. C'est que se rencontrent la lutte et l'utopie. Ce dont vous parlez, ça me fait aussi penser à cet épisode de votre podcast, là, Les Politosophes, où vous avez longuement évoqué la violence symbolique et aussi la question de l'humilité. Et alors, c'est quelque chose quand même dans nos luttes qu'on retrouve très fréquemment, c'est-à-dire qu'on veut changer un territoire, changer des gens, changer... Et finalement, on a beau essayer d'être hyper bienveillant, sympa, machin, on se retrouve finalement en échec complet. Donc j'aimerais bien que vous parliez de ça, de ce que c'est la violence symbolique et comment on doit changer notre façon de faire là-dessus. Ouais. Moi, je peux parler sur mon cas. C'est que quand je suis arrivé en Corrèze avec tous les livres de perma que j'avais lus, les documentaires, toutes mes connaissances de sachant qui sont des connaissances... totalement hors sol, je suis allé voir le paysan d'à côté en disant « Tu vas pas retourner la terre là, on va faire autre chose. » Ça, c'est une technique qui était sympa à l'époque, mais maintenant, on fait autrement, tu sais. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, j'essaie évidemment de le faire de façon très diplomatique et sans l'agresser. Mais en fait, je ne me rendais pas compte de la violence que ça représentait, d'avoir cette position de sachant de la ville avec le statut d'enseignant. Et aujourd'hui, on reproduit énormément ces schémas-là. En fait, on ne se rend pas compte que juste parce que l'on incarne, parce que l'on est, on renvoie à l'autre une forme de violence qui est insoutenable pour lui et qui nous discrédite complètement. On montre, en agissant de la sorte, que toi, ce que tu fais, c'est de la merde, en fait. C'est ça ce que ça dit. Mais alors, comment on peut changer ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, c'est comprendre où on arrive. Avant de vouloir changer le territoire où on va s'inscrire, c'est essayer de voir quelles sont ses particularités. C'est quoi son histoire ? C'est quoi sa culture ? Qu'est-ce que je peux faire au service de ce territoire ? Et donc, plutôt que de demander au territoire de se mettre à mon service, de voir comment moi, je peux me mettre au service de ce territoire-là. C'est avant d'agir, c'est observer. Et c'est vrai que c'est difficile à un moment, comme je le disais tout à l'heure, où on voit cette épée Damoclès avec les effondrements potentiels qui nous pèsent au-dessus de la tête. Mais en fait, la meilleure chose que l'on puisse faire au départ, quand on arrive, c'est ne rien faire finalement. C'est être là, voir quels sont les besoins et à partir des besoins, agir. Il y a une histoire dont je parle dans le livre qui est celle du loto, qui est une super histoire. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années de cela, il y a un collectif de jeunes néo-ruraux qui s'installent. Ils achètent un bout de terre agricole, ils y posent leur yourte et leur cabane. Et très vite, ils vont au bistrot du coin pour essayer de comprendre un peu quelle est la dynamique du village dans lequel ils sont. Et ils s'aperçoivent que ce qui rythmait le village, c'était un loto pour les personnes âgées qui, tous les mois, faisait que les gens se rencontraient. Et en fait, à force d'exode rural, le loto a perdu ses bénévoles et donc il n'avait plus lieu. Et donc, ils ont repris le comité des fêtes, ils sont rentrés dedans, ils ont remis en place finalement ce loto. Et en remettant en place ce loto, ils ont pu interagir, relationner, connecter avec tous les habitants. Et ils se sont intégrés de cette façon-là. Un beau jour, ils reçoivent un courrier administratif du maire qui se rend compte qu'ils sont en yourte et que c'est illégal et qui leur demande donc de démonter leur habitat. Eux vont avec le courrier donc au village, le présentent aux personnes âgées en leur disant « Nous, on a envie de rester. Voilà, si on doit démonter, malheureusement, on sera contraint de partir. » Et donc, les anciens ont pris le courrier, sont allés voir le maire qui était lui aussi un enfant du village et ils lui ont dit « Si tu touches un cheveu de ces jeunes, c'est à nous que tu vas avoir affaire. » Plus jamais ils ont été inquiétés. Et non seulement ils n'ont pas été inquiétés, mais au mandat suivant, ils ont repris la mairie. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, l'histoire continue avec ce même groupe de gens. C'est qu'en fait, ils ont repris la mairie et donc ils ont pu régulariser leur propre situation administrative en matière d'habitat léger. Et quand d'autres ont demandé à pouvoir régulariser la leur, ils ont dit non, là, il y a plus d'autres personnes qui s'installent, on est trop nombreux, il faut qu'on puisse déjà stabiliser ce qui se passe. Et donc, ils sont devenus à leur tour stigmatisants, ils sont devenus à leur tour plus royaliste que le roi. Et en fait, ça en dit long sur le rapport qu'on entretient aussi au pouvoir si on n'a pas fait le travail en amont. Et je le dis à un moment où, je le disais tout à l'heure, on va aller en 2026 avec les municipales, il est important qu'on ait des garde-fous, il est important qu'on ne se laisse pas enivrer par le pouvoir, il est important que l'on sache que notre objectif n'est pas tant de prendre la mairie, mais de savoir quel fonctionnement et quelle dynamique collective on va mettre en place une fois qu'on aura pris la mairie, et de l'anticiper parce que les difficultés vont arriver une fois élu. Alors, vous m'avez envoyé ce texte en me disant que ça vous avait bouleversé dans un moment de doute. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question : qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Alors pourquoi il vous a rassuré ce texte ? En fait, c'est une amie qui nous l'a partagé à un moment où on nous reproche toujours, hein, j'en parle au présent, de trop prendre la lumière. En nous disant, vous mettez en avant parce que vous avez des postures égotiques, ça fait du mal au territoire que vous ameniez la lumière sur ce territoire alors qu'il vivait tranquillement sous les radars. Et en fait, on nous reproche clairement au sein des gens militants, pour certains, d'aller amener ces enjeux sur le devant de la scène, de ramener les médias comme si c'était une forme de trahison, et surtout que ça allait servir un intérêt personnel. Alors que bon, pour ceux qui savent et qui entreprennent ces chemins-là, ils savent qu'on reçoit beaucoup plus de critiques, beaucoup plus d'ombre, sachant qu'on n'a aucun bénéfice, qu'il soit d'ordre financier ou autre, quand on fait ça. Et donc, on lui a dit à ce moment-là, à cet ami, on lui a dit peut-être qu'il faut qu'on arrête, tu vois, peut-être qu'il faut juste qu'on vive silencieusement, anonymement aussi, ce que l'on vit. Et elle nous partage ce texte à ce moment-là. J'en ai pleuré, hein, en le lisant, vraiment, il y a un endroit où j'ai compris, en fait, que... Le but de ce que l'on fait, c'est pas tant de briller pour briller, c'est de voir quand on brille, on explique à l'autre que lui aussi peut briller. Nous, effectivement, on brille parce qu'on a trouvé notre chemin de vie, on a trouvé notre cause, celle que l'on défend. Il y a vraiment quelque chose où moi, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment sur Terre, et que ce que je vis aujourd'hui, c'est parce que c'est aligné avec mon chemin. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable que votre peur, ce soit de finalement briller en tant qu'être humain, on va dire accompli, qui se réalise. Alors que vous prenez tellement de risques, moi par exemple, j'aurais extrêmement peur de me mettre en désobéissance civile pour l'instruction en famille. J'aurais peur des services sociaux. Voilà, je sais que c'est irrationnel, mais c'est quelque chose qui m'empêcherait. Je parle de la désobéissance civile par rapport à l'UEF parce que vous faites partie du mouvement Enfance Libre qui désobéit donc à cette loi qui restreint la possibilité de faire l'instruction en famille. Comment vous traversez ces peurs-là ? Déjà, ces peurs, elles sont très présentes. On a eu une enquête sociale à l'époque des cabanes qui avait été entreprise sur dénonciation. On suspecte fortement que ce soit le maire de l'époque, d'ailleurs, qui l'a entreprise. Et donc, voilà, moi, il y avait toujours ces peurs du placement, tous ces fantasmes qui peuvent arriver. Alors, il s'avéra que la conclusion de l'enquête a été que nos filles sont heureuses et épanouies et qu'elles vivent dans un endroit qui est propre à leur développement. Mais quand bien même, voilà, il y a souvent des peurs qui peuvent venir, comme quand on va en justice. On sait qu'on va pas aller en tôle pour ce que l'on fait. Mais quand même, ça fait ressortir pas une peur de la prison à ce moment-là, mais plutôt une forme d'environnement anxiogène, en tout cas, qui n'est pas propice à l'épanouissement à ce moment-là. On n'a pas envie de cultiver cette énergie-là, je dirais. On a tous envie de vivre en paix, on a envie d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et donc, quand on va en justice, quand on va dans ces combats-là, il y a quelque chose où c'est un peu... c'est lourd, quoi. C'est pesant. Il y a un peu cette chape qu'on sent sur nos épaules. Mais à côté de ça... il y a quelque chose de plus puissant qu'on ressent à travers notre conscience qui est de nous dire Ce que je fais, c'est juste, en fait. Et je pense que je m'en voudrais infiniment de fois plus si je n'agissais pas à la hauteur de ce qu'il faut entreprendre qu'en le faisant en désobéissant. Là, aujourd'hui, si ma vie s'arrête demain, je suis fier de ma vie. Mmh. Et ce qui fait aussi, d'ailleurs, que je n'ai pas peur de mourir parce que je sais que j'aurais vécu ma vie comme je devais la vivre. Et le fait de me sentir juste en moi, ça m'amène beaucoup aussi de tranquillité. Je parlais de l'agitation tout à l'heure parce que je suis quelqu'un de très agité par nature. Mais en tout cas, j'ai une vraie tranquillité dans mon âme aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur la question de la désobéissance, l'État essaye d'exercer un pouvoir dissuasif très fort, très important. L'État va apporter le spectre de la menace et le spectre de la menace va suffire à dissuader la population de désobéir. Il n'a même pas besoin d'agir finalement en disant « si vous désobéissez, vous risquez jusqu'à temps oh ». Ça crée un tel effet de peur et de sidération dans la population que rares sont les personnes qui vont aller dépasser ça. Et ceux qui vont désobéir se rendent compte très bien, d'ailleurs, ils peuvent en témoigner, que lorsqu'on désobéit, il ne se passe rien, bien souvent. C'est drôle parce que nous, on le voit sur la question de l'habitat léger aussi. Sur la question de l'habitat léger, bah, on désobéit aux lois parce que les lois sont absurdes en matière d'installation en habitat réversible. Il ne se passe rien. Dans 95% des cas, jamais personne ne vient emmerder les gens. Et quand bien même on viendrait les emmerder, si on est assez solide, on est soutenu et déterminé, personne n'ira nous déloger parce qu'on est imbougeable. Et c'est vraiment l'idée de son axe, de l'enracinement, de ne pas se laisser déplacer à chaque fois par ce que l'autre voudra de soi. Aujourd'hui, clairement, le rapport de force, il se pense comme une partie d'échec. Si on se laisse tout le temps attaquer, on se laisse tout le temps bouger et donc on est tout le temps en réaction par rapport à l'autre, on va prendre maths très rapidement. Il faut pouvoir aussi être offensif. Il faut aussi pouvoir montrer, en fait, que ce soit du bluff ou de la sincérité, que si vous nous touchez, vous allez le regretter. Et en fait, voilà, il y a aussi cette force-là du déconditionnement de l'obéissance, parce qu'on a toujours été, on a appris, et on le voit avec l'école plus que jamais, à être assis, parler quand il faut parler, se lever quand il faut se lever, et surtout laisser l'autorité choisir et déterminer à notre place. C'est tellement dur, en fait, de s'extraire de ce monde-là, parce que là aussi, ça nous rend forts et puissants. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dépassé ? Bah, on se rend compte que oui, on a une forme de souveraineté, finalement, à agir pour nous-mêmes, mais la peur, au départ, elle est présente. Moi, je la regarde, ma peur. Je dis, OK, elle m'amène où, cette peur ? Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui ? Elles sont souvent incohérentes, ces peurs. Et le tout, c'est d'aller juste faire un pas de côté pour aller regarder la peur elle-même. Alors, même si j'ai bien compris que vous étiez prêt à mourir demain, comment vous voyez-vous et le monde dans 10 ans ? Je ne suis pas prêt à mourir demain. Non, vous êtes prêt au sens c'est possible, vous êtes OK. j'aime beaucoup la vie. Je suis très attaché à elle. Comment je vois le monde dans 10 ans ? Je le vois encore plus fragmenté qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des sociétés très urbaines, très technologisées, d'une part, et d'autre part, tout un pan de la société beaucoup plus conséquent qui a quitté la ville aussi, pour aller se retrouver à la campagne et reformer plus massivement de nouvelles formes d'organisation qui parviennent en fait à échanger les unes avec les autres, qui parviennent à être solidaires les unes avec les autres et à avoir ces formes de l'utopie où lorsque il y a un projet incohérent qui va se mettre en place par un promoteur immobilier, il puisse y avoir une lutte massive, notamment des gens de la ville qui viennent se déployer à cet endroit-là, mais que les gens installés à la campagne soient là pour assurer tout un soutien logistique, un soutien aussi dans le soin, et ainsi de suite. Et qu'en fait, de plus en plus, il y ait un espèce de maillage, comme un tissu micellaire qui se met en place entre toutes ces organisations, qui aient dépassé ces orgueils et ces égos mal placés, pour enfin composer ensemble et comprendre cette appartenance commune que l'on a, qui est l'appartenance de la vie sur Terre, qui est un pur cadeau, en fait, qu'on nous a donné. Et donc, de vouloir sacraliser tout ça en l'honorant et en voyant les autres humains comme leurs frères et leurs sœurs. C'est complètement poétique, utopique. C'est utopique, mais c'est l'utopique en même temps. Mais c'est l'utopique, voilà. C'est complètement l'utopique. Vous avez choisi la chanson de Cat Stevens, « Where do the children play ?» Oui. Pour clore l'épisode en disant qu'elle vous faisait penser à la non-violence. Je voulais savoir un petit peu pourquoi, en deux mots. Cat Stevens, il m'a fait découvrir le soufisme, cette poésie du mysticisme musulman. C'est un apôtre de la paix à travers ses textes. Alors, on en connaît des plus prestigieux. Mais où les enfants vont-ils jouer demain ? C'est le nom de sa chanson. Et qu'allons-nous laisser ? Et ça me fait résonner sur une philosophie qui était la philosophie du peuple iroquois qui, au moment de prendre une décision impactante pour la communauté, allait questionner l'impact de la décision pour les 7 générations à venir. Pour moi, cette chanson, elle renvoie à ça. Quel est l'impact de nos décisions actuelles pour les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants ? Merci Jonathan Attias. Merci à vous. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play? Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa. And you make them long, and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. No, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Hey, hey, hey.